Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Yahweh, je compagne mon couple de la foi. Ça, mon amour, Yahweh, je compagne mon couple de la foi. Oh, Yahweh, je compagne mon couple de la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Jésus. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Yahweh, je suis nothing impossible.